Chapitre 23e. Douloureuse confidence. Fort heureusement, ainsi que le docteur Robert l'avait constaté, les tours de roue du garrot n'avaient pas brisé les os de Paulin Broquet. Les chairs seulement étaient endommagées, les muscles tailladés. Mais les muscles de Paulin Broquet étaient, comme l'on dit en sport, de premier choix. Et pour qu'ils se retrouvassent en état, il lui fallait seulement, avec les pansements du docteur, du temps et de la patience. Au bout de 2 semaines, il pouvait se servir de ses mains et porter lui-même à ses lèvres sa cigarette ou son cigare. Cependant, cette fois, les zygomares ne pouvaient douter de la mort de leur terrible ennemi. Pour qu'il se tirât de ce nouveau mauvais pas dans lequel il s'était, avouons-le, un peu follement engagé, il aurait fallu un miracle, vraiment. Les zygomares ne pouvaient assurément rien soupçonner de l'intervention inespérée de la mystérieuse femme aux cheveux de cuivre doré. L'explosion préparée par eux avait eu lieu comme ils s'y attendaient, à peu de choses près, dans le temps prévu. Ils avaient vu retirer les débris de chair, les restes sanglants, des décombres du toit demi écroulé. Forcément, ils devaient croire que cette fois, cet homme, qu'il fût ou non Paulin Broquet, avait été tué. Mais chez Clafou, personne ne parla de l'événement. On se méfiait désormais. Paulin Broquet rentrait sans doute dans la catégorie des morts qu'il faut qu'on tue 2 fois. On l'avait donc tué 2 fois, maintenant c'était définitif, pour l'éternité. Paulin Broquet était bien mort. Zygomare pouvait tranquillement désormais vaquer à ses affaires et prendre sa revanche des opérations que le détective avait fait échouer. Quant à Paulin Broquet, il devait forcément subir son mal en patience et attendre son rétablissement. Pendant ce temps, la vie avait repris son cours régulier chez nos autres amis. Madame Laurent, qui s'était vraiment prise d'affection pour Riri, va la voir encore à l'atelier. Entre elles, il avait été convenu qu'on ne parlerait jamais, à qui que ce fût, de l'aventure de Ville-d'Avray. Elle ne devait jamais prononcer le nom d'André Girardet, ni de celui de l'avocat Montreuil, soit devant Marie Laboscotte, soit devant Madame Ménardier, soit devant Monsieur Laurent. Monsieur Laurent, en effet, nous le savons, ignorait les visites que sa femme rendait à l'infirme, si seule, si à plaindre, dans sa riche et coquette villa, qui jouait la tante Mélie. Et Riri prévoyait que dire à sa mère un nom, c'était provoquer des explications dont on ne pourrait sortir. Mieux valait se taire tout à fait, Riri ne savait pas mentir, elle aurait dit la vérité. « Et maman, dit-elle à Madame Laurent, s'alarmera. Elle tremblera quand je quitterai la maison et sera anxieuse jusqu'à mon retour. Or, maman n'a pas besoin que je lui cause encore des alarmes. Ce serait mettre bien inutilement son cœur à la torture. Elle souffre déjà assez sans cela, pauvre maman. » Cependant, de temps en temps, Riri avec Madame Laurent donnait un coup de téléphone au malade de Ville-d'Avray. Pour André Girardet, c'était quelques minutes de joie que cette conversation. Il se sentait moins seul, moins abandonné à son triste sort. La voix de Riri l'égayait comme un chant d'oiseau charme, même quand on ne voit pas le chanteur. Il en était reconnaissant à la jeune fille. Par ce fil, André Girardet, perclus, cloué dans son fauteuil, était relié au monde vivant. Cela avait quelque chose de douloureusement symbolique. Il s'était pris lui aussi d'affection pour cette exquise jeune fille. Madame Laurent lui servant de 2 intermédiaires à qui Riri ne pouvait rien refuser, il avait obtenu qu'elle accepterait d'être aidée, sans que sa fierté puisse en formaliser. Ainsi, Riri put apporter à la maison un peu de bien-être, mieux soigner sa mère. Pour qu'aucune supposition fâcheuse ne pût se faire, pour couper court aux perfides insinuations de Madame Brochu quand elle viendrait prendre son verre de curaçao, Madame Laurent vint avec elle remettre à la concierge le reliquat des termes en retard et réclamer les quittances déchues. « Quant au prochain appartement, dit Madame Laurent à Riri, si on veut que vous quittiez celui-ci, ne vous inquiétez pas. Toutes les deux, nous trouverons bien quelque chose qui vous conviendra parfaitement et plaira à votre mère. » Riri ne savait comment remercier. « Jamais, madame, je ne pourrais m'acquitter de toutes vos bontés. » Mais elle ne pouvait refuser. Madame Laurent, suivant le conseil d'André Girardet, lui démontrait tout d'abord que ce qu'on faisait devait plaire à sa mère ou lui être grandement profitable. Ainsi, Riri, maintenant, allait plus confiante dans la vie. Elle se sentait moins seule, moins isolée, plus défendue contre ce que Paris réserve d'embûches, de périls de toutes sortes, de dangers imprévus aux jeunes filles pauvres, seules et jolies. Elle avait un ami à Ville-d'Avray et un défenseur à Paris, un grand frère qui accourait à son premier signal, qui la secourrait, qui la protégerait. Précieusement, elle gardait la lettre que lui donna André Girardet le soir de l'attentat. Elle la portait toujours sur elle, dans un mignon portefeuille de soie qu'on avait elle-même confectionné pour ses petits secrets. Et malgré cela, toujours, elle pensait à cette autre lettre gardée aussi précieusement dans son coffret à la maison. La lettre encadrée de deuil, qui lui disait de si tendres, de si douces choses, si différentes de toutes celles que jusqu'alors on lui avait écrites. La lettre qui lui disait en somme à peu près ce qu'André Girardet lui avait fait entendre de vive voix. « Il faut près de vous quelqu'un qui vous protège, qui soit votre grand frère. Je ne vous demande rien que cette joie d'être celui en qui vous aurez confiance. Qu'être celui qui, vous arrachant à toute peine, à tout danger, vous permettra enfin de sourire à l'avenir. » Et chaque fois que Riri téléphonait à son pauvre ami de Ville-d'Avray, chaque fois qu'elle toucha son petit portefeuille contenant la lettre de recommandation, quand elle redisait ces paroles, chaque fois, par un phénomène qu'elle ne s'expliquait pas, Riri se rappelait les termes de la lettre si différente des autres, qu'elle gardait précieusement, et elle revoyait passer devant ses yeux pensifs l'image de ce jeune homme vêtu de noir, au visage si bon, qui n'osait lui parler, qui ne la suivait pas dans la rue, ne la harcelait jamais sur le chemin de l'atelier, mais qui de loin la regardait passer avec tant de tendresse discrète. Et Riri se disait « Je voudrais que l'ami de M. Girardet, que celui qu'il m'a donné pour défenseur, pour grand frère, fût comme celui-là. » Quant au comte de la Guérinière, depuis l'aventure de Ville-d'Avray, il ne la poursuivait plus autant. Peut-être la façon dont celui qui était accouru au secours de Riri l'avait accommodé, les blessures qu'il devait forcément porter à sa figure l'empêchaient-elles de se montrer trop. À peine si Riri l'aperçut trois ou quatre fois sur sa route, rapidement, furtivement. Encore se trouvait-il en voiture quand Rirette passait. De ces rencontres, elle ne parla à personne, cela lui paraissant inutile. Elle voulait croire que désormais le comte de la Guérinière se tiendrait tranquille, la laisserait en paix, qu'elle n'avait plus rien à redouter de lui. Et cependant Riri, très fine, se disait « J'en suis étonné quand même, car un homme comme celui-là, quelle audace de tenter un crime comme celui de ce guet-apens dans lequel j'ai failli sombrer, ne doit pas s'arrêter si facilement. Il a été trop touché dans son amour-propre de galant, trop frappé sur sa figure de beau garçon pour accepter avec cette soumission une pareille défaite. » Le bon sens de Riri ne la trompait pas. Il était plus que certain que le comte de la Guérinière préparait une revanche. Mais ici, Riri ne s'en alarmait plus. Elle croyait pouvoir braver ce misérable. Elle se sentait forte, armée, soutenue. « N'ai-je pas un défenseur maintenant ?» se disait-elle. « Je n'aurais qu'à appeler mon grand frère à mon secours. » Pauvre Riri. Elle ne pouvait savoir combien ce secours sera peut-être long à venir. Elle ne pouvait pas s'imaginer de quoi un homme comme le comte de la Guérinière était capable, et quelle infamie son cerveau fait pour le mal parviendrait à inventer pour perdre celle qu'il voulait perdre, pour arriver à vaincre une enfant. Assurément, le défenseur qu'André Girardet avait donné à Rirette pouvait arriver trop tard. Mais Riri la Jolie n'avait pas que celui-là, qui d'ailleurs ne connaissait pas encore sa mission. Il devait, lui, être appelé en cas de danger, et soit dit sans plaisanter, il risquait fort de ne l'arriver qu'à la façon des carabiniers, trop tard. Mais Riri avait un autre défenseur qu'elle ignorait absolument et qui ne la perdait jamais de vue, qui serait arrivé, lui, au moment du danger, qui même aurait devancé le danger. C'était un des hommes de Paulin Broquet, qui, de même que Simon le clown surveillait le comte de la Guérinière, devait veiller jalousement sur la jeune fille. Mais malgré cette surveillance, qu'il savait cependant bien faite par ces hommes, Paulin Broquet ne demeurait pas sans inquiétude. Il se disait, connaissant la perfidie de son adversaire, que le comte de la Guérinière ne devait pas s'en tenir là, et digérer la défaite sans espoir de revanche. Cela ne faisait aucun doute. Connaissant également l'habileté de cet homme, son esprit fécond, ingénieux quand il fallait faire le mal, Paulin Broquet pensait, non sans raison, que le comte se douterait que l'on gardait maintenant celle qui avait failli être sa victime. Par conséquent, il ne l'attaquerait plus ouvertement. Il trouverait un nouveau moyen qui la mettrait à sa merci, tout en ne permettant pas que cette fois vint à temps la défense. Anxieux, Paulin Broquet se demandait quelle nouvelle machination infâme ce misérable allait inventer contre Riri. Mais il se garda bien de faire part à l'avocat ou au docteur, quand on parlait de Rirette, des transes qu'il ressentait à son sujet. Raoul et Robert, quand Paulin Broquet entra tout à fait en convalescence, lui avait parlé, au cours d'une de leurs longues et amicales conversations, de la douloureuse découverte qu'ils avaient faite dans le journal relatant le procès du banquier Montreuil et de cet infortuné M. Ménardier. Ce fut Robert qui, tout en le pensant, un jour qu'il se trouvait seul avec lui, lui parla le premier de cette cruelle découverte et lui révéla en même temps la douleur de son frère et quel chagrin lui-même ressentait de tout cela. Paulin Broquet répondit au docteur Robert. « Ayez confiance en l'avenir, docteur. Vous êtes, vous et votre frère, dans la voie où seuls les honnêtes gens peuvent vous suivre. Poursuivez votre tâche, sans charger encore votre cœur de nouveaux soucis. » Cependant Raoul aime Riri. « Tant mieux. Comment tant mieux ? Croyez-vous que ce qui eût été possible avant cette douloureuse découverte le soit encore maintenant ? Pourquoi pas ? Est-ce que vous pensez que la fille de M. Ménardier puisse un jour aimer le fils de l'homme qui ruina son père, qui causa leur malheur, qui la rendit orpheline, elle et sa sœur ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas quand l'orpheline est Riri et quand celui qui l'aime est Raoul ? Robert demeura perplexe, répétant les paroles du détective. Pourquoi pas quand l'orpheline est Riri, quand celui qui l'aime est Raoul ? Enfin il s'écria. Oui, en effet. Riri et Raoul, ils ont tous deux si grand cœur, une âme si belle, si bonne, oui, oui. Raoul et Riri, peut-être. Pourquoi pas, en effet. Le détective ajouta. Laissez faire, docteur. Et vous, qui faites des miracles avec votre science, croyez aussi que l'amour peut faire des choses absolument étonnantes. Il ajouta. D'ailleurs, si vous le voulez bien, je parlerai un de ces jours de cela tout discrètement à votre frère. Oh, si vous pouviez le consoler. Le consoler ? Pas du tout. L'encourager, oui. Et lui donner de l'espoir. Quel espoir ? Vous verrez. Laissez-moi faire. J'amènerai votre frère, tout doucement, à me parler de son secret que nous connaissons tous. Et je lui donnerai sur son secret des détails qu'il ne connaît pas encore et qui, soyez-en certains, lui causeront non seulement de la surprise, mais de la joie, qui dissiperont sa tristesse, éteindront son angoisse, et ramèneront à sa pauvre âme si gravement endolorie de nouveaux rayons d'espérance. Quelques jours plus tard, en effet, Robert emmena avec lui son frère chez le détective. Le docteur vérifia les pansements du blessé, vérifia la marche vers la guérison, puis, se disant pris par une course urgente, il quitta au bout de peu de temps la villa du détective et laissa son frère que Paulin Broquet, sous un prétexte affable, retint auprès de lui. Si la mort s'était, parmi les Broquet, acquis une juste réputation avec son talent de savoir faire parler les gens, son chef ne lui cédait en rien sur ce point et savait admirablement faire sortir des lèvres les plus fermées ce que cachait le front soucieux ou le cœur souffrant. Les amoureux, d'ailleurs, ne demandent que des oreilles complaisantes pour parler de ce qui les préoccupe tant. Il semble en effet que parler haut de la personne aimée, c'est l'évoquer, la sentir près de soi, la revoir presque. En quelques instants, Raoul, heureux d'avoir un homme comme Paulin Broquet à qui confier sa souffrance, avait raconté au détective tout son petit roman, que celui-ci connaissait admirablement et même bien mieux que le narrateur. Sans l'interrompre d'un mot, d'un geste, d'un signe, Paulin Broquet laissa Raoul faire son récit douloureux. « Voilà, » conclut le jeune avocat désolé, « voilà. J'ai rencontré dans la vie une jeune fille à qui je sentais que je devais consacrer mes jours, que je devais aimer infiniment. Elle est belle comme aucune femme n'est belle, si vous saviez, mon ami. Elle est blonde comme il n'est plus de blonde, depuis qu'on a perdu le paradis. Ses yeux sont d'un bleu violet clair, limpide comme le ciel le jour où il est en fête. Et quel sourire ! Quelle douceur ! Ensuite, quel charme dans toute sa personne ! Et la femme morale répond à la femme physique, si je puis dire. La beauté de l'âme est égale à la splendeur du corps de cette merveille, de cette créature unique. L'amour est entré chez moi par ses grands yeux. C'est, dit-on, l'amour qui embrase le plus promptement, mais aussi celui qui s'échappe le plus vite. Cependant, celui-ci a gagné mon cœur. Il s'y est ancré. Ce n'est pas de la beauté de cette jeune fille que je suis épris, c'est de la femme qui est si belle. Vous voyez la différence ? C'est non de Rirette, c'est de celle qui est Riri. Oh ! Fit seulement Paulin Broquet, voilà un distinguo d'avocat bien spécieux. Non, comprenez, en voyant Riri, en commençant de l'aimer, pas un moment je n'ai pensé à ceci, que Riri était une petite ouvrière, une midinette, qu'on pouvait, comme un gai moineau parisien, attirer avec quelque chose qui me rit, dans un filet d'amourette. Pas un instant je n'ai eu à l'idée que j'étais riche, et que je pouvais faire d'elle ma maîtresse. J'ai toujours envisagé la possibilité de l'épouser, de la prendre pour femme. Une ouvrière, une midinette, votre femme. Oui, car j'ai appris qu'à sa radieuse beauté s'ajoutait le don précieux et rare d'une âme d'élite, d'un cœur exquis. J'étais certain que cette jeune fille, qui témoignait à sa mère une si grande affection, devait, si j'avais le bonheur qu'elle vint à m'aimer, me rendre le plus heureux des hommes. Elle est pauvre, sa mère est dans la misère. Mais quel trésor n'est-elle pas elle-même, vous, millionnaire? Attendez, mon ami, attendez. Laissez-moi vous dire. Vous venez de prononcer le mot qui fait douter de tout amour, millionnaire, l'argent, le maudit argent. J'ai bien étudié tout cela. Je voulais, avant de demander à Riri de devenir ma femme, avoir cette certitude qu'elle pourrait m'aimer non pour mon argent, mais pour moi seulement. Aussi, jamais, je ne lui ai laissé deviner qui j'étais. Je lui ai parlé, et une fois je lui ai écrit, mais elle sait maintenant que je suis Raoul, et ne se doute pas de mes millions. Qu'a fait Riri? Qu'a-t-elle répondu à vos lettres? Rien. Hein? Mais pouvait-elle répondre? Le devait-elle? Non. Comment auriez-vous appris qu'elle répondait à vos espérances? Il y a mille manières pour cela. Enfin, avez-vous remarqué quelque chose qui peut vous donner de l'espoir? Je m'illusionne peut-être, ou je me flatte, mais il m'a semblé. C'est peut-être une impression personnelle, que rien au demeurant ne justifie. Il m'a semblé que depuis ma lettre, pour Riri, je ne suis plus un étranger. Je l'ai revue de loin, elle m'a perçu plusieurs fois, nos regards se sont croisés, rencontrés. Il m'a semblé que Riri ne détournait pas la tête à ce moment. Elle ne m'a pas souri, cela je ne puis le dire. Vous savez que Riri, toute jolie qu'elle est, garde constamment un air grave et triste. Mais dans ses yeux j'ai cru lire, si je puis dire ainsi, comme une lueur amie, un rayon de bienveillance, non plus de l'effroi, de la crainte, un désir de repousser, comme je l'ai vu dans son regard comme un importun. Un inconnu lui dit un mot, mais le contentement de reconnaître quelqu'un qu'il ne déplaît pas de rencontrer. Encore une fois, mon cher ami, je peux prendre mes souhaits pour la réalité. Et cependant je suis revenu, il y a quelques soirs, dans l'enchantement de l'avenue de Clichy, parce que le hasard de la bousculade des passants avait poussé Riri tout près de moi. Je l'ai frôlé, je l'ai touché presque, et comme je tirais mon chapeau pour la saluer, m'excuser, en même temps, tout près de moi, Riri me regarda bien dans les yeux, me reconnut certainement, et sans manifester d'ennui ou d'étonnement, elle me répondit par un sourire que j'emportais jalousement en moi, comme si j'avais trouvé sur mon chemin le plus beau diamant du monde. En résumé, conclut Paulin Broquet, si vous aimez Riri, il est à prévoir que Riri n'est plus, je ne dis pas hostile, mais indifférente pour M. Raoul. Oui, c'est cela. Or, une nature droite, loyale et franche comme celle de Rirette, ne sait pas cacher ses sentiments. Un cœur aimant et entier comme celui de Riri ne peut s'arrêter en chemin. Il est à déduire, dis-je, que du moment que Riri vous sourit, c'est que vous lui êtes sympathique. Et je présume que chez Rirette, cette sympathie deviendra de l'amour. Hélas! Pourquoi hélas? Et ce gros soupir? Je suis certain que cet amour n'est pas en illusion, en espérance, en perspective, en future probabilité. Je déclare que cet amour, qui ne peut être que sincère, absolu, définitif chez Riri, j'affirme que cet amour existe, qu'il est vivant, vivace et vif, et qu'il... Raoul interrompit. Hélas! Voilà bien le malheur. Par exemple, s'écria Paulin Broquet, maître, je ne vous comprends plus. Comment cela? Vous vous désoliez tout à l'heure, ne sachant si vraiment Riri pouvait vous aimer. Je vous affirme, moi, qu'elle vous aime, ou qu'elle est sur le point de le faire. Et vous gémissez, vous soupirez, vous poussez des hélas. Ah, mon ami, c'est parce que j'entrevoyais la réalité de cet amour que je me désole. Expliquez-vous. Je ne vais plus sur le chemin de Riri, ou du moins, je ne me montre plus à elle. Je veux qu'elle oublie Raoul, qui lui a écrit, le Raoul à qui elle a souri. Pourquoi? Parce que ce Raoul est le fils de M. Montreuil. Eh bien? Et qu'entre le fils du banquier Montreuil et la fille de Mme Ménardier, il ne peut rien exister, sinon la haine. Paulin Broquet se tourna vivement vers le jeune avocat. Mon cher ami, quand on est amoureux comme vous et qu'on a de pareilles idées en tête, savez-vous ce qu'on fait? On pleure. Ce n'est pas mauvais, mais il y a mieux. On change d'air. On va à la campagne. Raoul regarda, surpris, le détective, se demandant s'il parlait sérieusement ou s'il plaisantait. « Savez-vous ce que vous devriez faire ? » reprit le détective. « Vous devriez aller demain matin demander à déjeuner à votre ami André Girardet à Ville-d'Avray. Voilà déjà quelque temps, si je ne me trompe, que vous ne l'avez vu. C'est vrai. Vous savez qu'il est triste, seul, abandonné, et que la visite des personnes amies lui cause un plaisir extrême. Oui, ce cher ami. Vous savez aussi qu'André Girardet a aimé, qu'il souffre du cœur. Allez donc avec lui causer de votre peine. Nulle âme ne pourra mieux comprendre votre âme. « Vous avez raison, » s'écria Raoul. « Oui, parler du mal d'aimer avec quelqu'un qui souffre tant de cela, c'est mettre un peu de baume sur la plaie de son cœur. J'irai demain. » D'autant plus qu'il a, paraît-il, une confidence à vous faire. Je crois qu'il s'est servi de vous, sans vous en avertir, et qu'il serait content de s'expliquer avec vous. « Bien, je lui donnerai le bonjour de votre part. » « Non, non, moi je suis mort. Je suis explosé chez Ulma. Ah, c'est juste. » Encore une recommandation précieuse. Quand vous parlerez de votre amour, ne livrez pas le nom de Riri. Pourquoi ? Croyez-moi, ne prononcez pas ce nom, ni celui de Madame Ménardier. Suivez mon conseil. Vous saurez bientôt pourquoi. Vous vous en trouverez bien. Je vous obéirai donc.